Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 4 mai de quelle année ? Nous sommes le 4 mai 1897, Raphaël, un jour terrible, le jour de l'incendie du bazar de la Charité qui va faire plus de 120 victimes. Ce bazar, je mets des guillemets, il ne faut pas l'entendre au sens courant, hein. Ce bazar c'est en fait le rendez-vous annuel et mondain des bonnes œuvres, une sorte de vide-grenier pour grande dame, si j'ose dire. Et les recettes vont aux pauvres, c'est ça ? Exactement, c'est le principe. Le bazar de la Charité dure 3 semaines, cette année il est installé rue Jean Goujon, tout près de nos actuels studios. C'est alors un terrain vague sur lequel a été monté un baraquement en bois, en sapin. Ça fait 80 mètres de long sur 13 de large. Et à l'entrée, il faut imaginer des bannières colorées. Vous verrez que le détail a son importance. Ajouter à tout ça un décor en carton-pâte qui a été posé là pour l'occasion, un décor d'une rue du Moyen-Âge. On se dit que vraiment, si le feu s'invite là-dedans, le bazar va se transformer en un piège infernal. Eh bien, c'est justement ce qu'il va se passer. Et alors, comment est-ce que l'incendie s'est déclenché ? Eh bien, on avait installé également, c'était très moderne à l'époque, un projecteur de cinématographe, figurez-vous. La lampe de l'appareil est alimentée par de l'éther, je vous passe les détails techniques, mais une allumette est craquée à proximité et immédiatement, les vapeurs d'éther s'enflamment. Rien de bien grave pour l'instant, on commence à faire évacuer gentiment le bazar. Seulement, le feu va se répandre très vite. Il enflamme bientôt le plafond, qui n'est autre qu'un grand vélum tout goudronné. Autant vous dire que toute la structure se transforme en une espèce de brasier extraordinaire. La panique saisit au même instant les 1200 invités. On crie, on hurle, on court en tous sens pour essayer de trouver une sortie, chercher un proche qui s'est éloigné, qu'on voudrait sauver. Les récits de l'époque font froid dans le dos, si j'ose dire. C'est une incroyable scène d'épouvante. Les pompiers feront ce qu'ils pourront, mais à la fin, on relèvera les corps calcinés. Plus de 120 victimes, essentiellement des femmes, ce qui a posé un gros problème par rapport à la galanterie, n'est-ce pas ? Les femmes étaient moins fortes dans la mêlée, tout simplement. Parmi les femmes victimes, la duchesse d'Alençon, la sœur de Sissi. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure consacrée au tableau le plus souvent volé de l'histoire, l'agneau mystique de Gand.